mafuta ça les comme la chose les attends ou la mafuta la chose de Dieu dans ta vie ça fait la différence.